Chapitre 22e. Il y a une confusion pire que la mort. Le frère et la sœur échangèrent fort peu de paroles pendant le trajet entre Stone et Stringford et Marchmont Towers. Il avait été convenu entre eux que Mrs. Weston ferait passer la voiture par un sentier qui bordait la rivière. Paul descendrait à une porte s'ouvrant sur le bois, et par ce moyen entrerait sans être observé dans la maison qui avait été si récemment la sienne en tout et pour tout. Il n'osait pas essayer d'entrer aux Towers par un autre chemin, car la populace indignée pouvait rôder encore sur le devant de la maison et être tout disposée à exercer une vengeance sommaire sur le persécuteur d'une jeune fille sans défense. Ce fut entre 9 et 10 heures que M. Marchmont descendit à la petite porte. Tout y était calme comme la mort, et Paul entendit le croassement des grenouilles sur le bord d'un petit étang dans le bois et le bruit des sabots des chevaux à 1 mille de là, sur le sentier caillouté du bord de l'eau. « Bonne nuit, Lavinia, » dit-il. « Envoyez chercher mes effets dès que vous serez rentré. Et veillez à ce que la personne choisie par vous soit sûre. « Oh oui, cher frère. Mais ne vaudrait-il pas mieux que vous prissiez vous-même tout ce qui a de la valeur ?» demanda Mrs. Weston avec anxiété. « Vous dites que vous n'avez pas d'argent. Peut-être feriez-vous bien de m'envoyer les bijoux, et moi je confierai au messager l'argent qu'il vous faut. « Il ne me faut pas d'argent. » « Du moins, j'en ai assez pour ce que je veux faire. Qu'avez-vous fait de vos épargnes ?»« Elles sont dans une maison de banque de Londres, mais j'ai beaucoup d'argent disponible à la maison. Il vous en faut, Paul ?»« Je vous dis que non, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais confiez-moi vos projets, Paul. Il faut que je les connaisse avant de quitter le Lincolnshire moi-même. Partez-vous d'ici ?»« Oui, immédiatement, immédiatement. Irez-vous à Londres ? Peut-être, je ne sais pas encore. Mais quand nous reverrons-nous, Paul ? Où commencerons-nous de vos nouvelles? Je vous écrirai. Où? Poste restante, Rathbone Place. Ne me fatiguez pas ce soir avec vos questions, Lavinia. Je ne suis pas d'humeur à y répondre. Paul Marchmont tourna le dos à sa sœur avec impatience et ouvrit la porte. Mais avant qu'elle fût repartie, il revint vers elle. Serrons-nous la main, Lavinia. Serrons-nous la main, ma chère. Il s'écoulera bien du temps avant que nous nous revoyions. Il se pencha et embrassa sa sœur. « Retournez chez vous aussi vite que vous pourrez, et envoyez le messager sur le champ. Il fera mieux de venir à la porte du couloir, près de la chambre d'Olivia. À propos, où est-elle, Olivia? Est-elle toujours avec la belle fille qu'elle aimait si tendrement? Non, elle est partie pour Swampington cet après-midi de bonne heure. Un cabriolet a été commandé au taureau noir, et elle est partie dedans. Tant mieux, répondit Miss Marchmont. Bonne nuit, Lavinia. Empêchez ma mère de mal penser de moi. J'ai essayé de faire de mon mieux pour la rendre heureuse. Adieu. Adieu, cher Paul. Que Dieu vous bénisse. » La bénédiction fut invoquée avec autant de sincérité que si Lavinia Weston eût été une bonne femme et son frère un brave homme. Peut-être aucun des deux n'était-il à même de comprendre la portée du crime qu'ils avaient commis avec le secours l'un de l'autre. Mrs. Weston s'éloigna et Paul monta vers les Towers. Il passa sous un portail qui donnait accès dans le quadrangle. Autour de la maison, tout était tranquille, comme si la belle au bois dormant et sa cour en eussent été les seuls occupants. Les habitants de Kemberling et les voisins des Towers étaient des gens rangés, qui brûlaient peu de chandelles entre mai et septembre, et malgré tout leur désir de venger les torts de Mary Arundel en mettant en pièces Paul Marchmont, leur patience avait été épuisée à la tombée de la nuit. Ils avaient été bien aises de rentrer dans leurs demeures respectives pour discuter à leur aise les iniquités de Paul en buvant leur verre de bière habituel. Paul demeura immobile dans le quadrangle pendant quelques moments et écouta. Il ne put entendre aucun souffle ni aucune voix humaine. Il entendit seulement le bruit des blés qui se balançaient à la brise dans les champs à droite des Towers et le roulement sourd des charrettes sur la grande route. Il y avait une faible lueur à l'une des fenêtres de l'office des domestiques. Seulement une faible lueur, là où d'habitude brillait une longue rangée de lumière. Lavinia avait donc raison. Presque tous les domestiques avaient quitté les Towers. Paul essaya d'ouvrir la porte vitrée menant dans le couloir, mais elle était fermée à clé. Il sonna, et environ 3 minutes après, une fraîche campagnarde apparut dans le couloir, une chandelle à la main. C'était quelque fille de cuisine ou de laiterie, ou une laveuse de vaisselle, que Paul ne se souvenait pas d'avoir vue jusqu'alors. Elle ouvrit la porte et le laissa entrer en lui faisant une révérence quand il passa devant elle. Ce fut un soulagement pour lui. M. Marchmont s'était à peine attendu à pouvoir entrer dans la maison, encore moins à être reçu avec politesse par quelques-unes des servantes qui lui avaient obéi tout récemment avec servilité. Où sont tous les autres domestiques ? Demanda-t-il. Ils sont tous partis, monsieur, excepté celui que vous avez amené de Londres, monsieur Peterson, ma mère et moi. Ma mère est dans la buanderie, monsieur, et moi je lave la vaisselle. Pourquoi les autres domestiques ont-ils quitté la maison ? Pour la plupart, parce qu'ils avaient peur de la populace rassemblée sur la terrasse, d'après ce que je crois, monsieur, car toute l'après-midi, il y a eu du monde qui a jeté les pierres et cassé les vitres. Je ne pense pas qu'il reste un seul carreau entier sur toute la façade, monsieur. Monsieur Gormby est venu vers 4 heures et a fait partir les gens, en leur disant que la maison qu'il détruisait n'était pas à vous, mais à la jeune dame, Miss Mary Marchmont, ou plutôt Mrs. Arundel. Mais la majorité des serviteurs étaient déjà partis, monsieur, à l'exception de Monsieur Peterson. Monsieur Gormby nous a donné l'ordre, à ma mère et à moi, de fermer toutes les portes et de ne laisser entrer personne, sous n'importe quel prétexte. Il viendra demain matin prendre possession, a-t-il dit. Et vous ne pouvez entrer, monsieur, ne vous en déplaise, car ces ordres, à ma mère et à moi, ont été très particuliers pour ce qui vous concerne. C'est une absurdité, ma fille, s'écria Monsieur Marchmont d'un ton décisif. Qui est-il, ce Monsieur Gormby, pour défendre à quelqu'un d'entrer ou de sortir? Je viens passer ici une demi-heure seulement pour faire mon porte-manteau. Où est Peterson? Dans la salle à manger, monsieur, mais je vous en prie, n'entrez pas. La jeune fille fit un faible effort pour barrer le passage à Monsieur Marchmont, conformément aux ordres de l'intendant qui portait que Paul ne devait pas entrer sous n'importe quel prétexte. Mais l'artiste s'empara du chandelier qu'elle portait et se dirigea vers la salle à manger, la laissant le regarder avec stupéfaction. Paul trouva son valet Peterson en train de manger un morceau, comme il disait, dans la salle à manger. Une nappe était étendue sur un coin de la table, et on y voyait devant le valet une épaule d'agneau rôti, une bouteille d'eau-de-vie de France et un carafon à moitié plein de madère. Il tressaillit quand son maître entra dans la salle. Il releva la tête, pas très poliment, mais sans inimitié dans le regard. « Donnez-moi un demi-verre de ce brandy, Peterson, » dit M. Marchmont. L'homme obéit et Paul avala le liquide brûlant, comme si c'eût été de l'eau. Il y avait 24 heures qu'il n'avait ni bu ni mangé. « Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec les autres ? » demanda-t-il en déposant son verre vide. « Il n'y a que les rats, monsieur, qui s'éloignent d'une maison qui s'écroule. Je suis resté pensant que vous voudriez vous en aller quelque part et que vous auriez besoin de moi. » Ce qu'il y avait de vrai en tout ceci, c'était que Peterson s'était dit en lui-même que son maître avait mis de côté une bonne somme d'argent en prévision de ce jour désastreux et qu'il serait tout prêt à partir pour le continent ou l'Amérique où il mènerait une existence agréable avec le produit de son iniquité. Le valet ne s'imaginait pas que son maître eût été assez fou pour ne pas se préparer à cette catastrophe. « J'ai pensé que vous auriez toujours besoin de moi, monsieur, » dit-il, « et partout où vous irez, je suis disposé à vous suivre. Vous avez été un bon maître pour moi, monsieur, et je ne veux pas quitter un bon maître parce que tout tourne contre lui. » Paul Marchmont secoua la tête et tendit le verre vide à son valet pour qu'il versât encore du brandy. « Je pars, » dit-il, « mais je n'ai pas besoin de valet. Où je vais ? Je vous suis néanmoins reconnaissant de votre offre, Peterson. Voulez-vous monter avec moi ? J'ai emballé quelques objets. » « Ils sont tous frais, monsieur. Je savais que vous voudriez partir et j'ai tout emballé. »« Mon nécessaire de toilette. »« Oui, monsieur. Vous en avez la clé. »« Oui, je sais, je sais. » Paul Marchmont garda le silence quelques minutes. Il songeait. Tout ce qu'il possédait comme propriété personnelle, ayant quelques valeurs, se trouvait dans le nécessaire de toilette dont il avait parlé. Il y avait pour 500 ou 600 livres de bijoux dans le nécessaire de monsieur Marchmont. Car le premier instinct du nouveau riche se révèle par des épingles de cravate en diamant, des bagues à camée, des têtes de mort en malachite avec des yeux en émeraude, des talismans grotesques sous forme de cercueils, de boîtes à charbon, de bottes à clous, des joyaux fantastiques en rubis et en émail, de merveilleuses bagues en or massif garnies de diamants et servant à maintenir les deux bouts d'une légère cravate en dentelle. M. Marchmont réfléchit sur la valeur de ces objets et leur sécurité dans le tiroir à bijoux de son nécessaire. Le nécessaire était pourvu d'une serrure de chub, dont il avait la clé dans la poche. Oui, tout était en sûreté. « Écoutez, Peterson, » dit Paul Marchmont, « je crois que je coucherai ce soir chez Mrs. Weston. Je voudrais bien que vous y portiez mon nécessaire tout de suite. Et pour les autres bagages, monsieur, les porte-manteaux et les cartons à chapeau, ne vous en inquiétez pas. Je tiens seulement à faire remettre mon nécessaire à ma sœur. J'enverrai chercher le reste demain matin. Vous n'avez pas besoin de m'attendre maintenant. Je vous suivrai dans une demi-heure. » « Oui, monsieur, » voulez que je porte le nécessaire chez Mrs. Weston et que je vous attende chez elle. Oui, vous pouvez m'y attendre. Mais n'y a-t-il pas autre chose que je puisse faire, monsieur ? Rien. Je n'ai qu'à réunir quelques papiers, puis je vous suivrai. Oui, monsieur. Le discret Peterson salua et se retira pour porter le nécessaire. Il interpréta à sa manière le désir évident de M. Marchmont de se débarrasser de lui et de rester seul aux Towers. Paul avait évidemment fait un magot et caché sans doute son argent dans quelques bonnes cachettes d'où il voulait le retirer maintenant sans être vu. Il avait bourré l'un de ses oreillers de billets de banque, peut-être, ou il avait caché un coffre-fort derrière la tapisserie de sa chambre à coucher, ou il avait enterré un sac d'or dans le jardin au-dessous de la terrasse. M. Peterson monta dans la chambre à coucher de Paul, passa sa main dans la courroie du nécessaire, qui était très lourd, redescendit, rencontra son maître dans le vestibule et sortit par la porte du couloir. Paul ferma la porte sur son valet, puis il rentra dans la maison déserte où le mouvement des pendules dans les chambres inoccupées semblait plus bruyant que d'habitude au milieu du calme. Tous les carreaux avaient été cassés, et quoique les volets fussent fermés, l'air froid de la nuit entrait par plus d'une fente et faillit éteindre la chandelle de M. Marchmont pendant qu'il errait de chambre en chambre en regardant autour de lui. Il entra dans le salon occidental et éclaira quelques-unes des bougies du grand lustre. Les volets étaient fermés, car les carreaux, ici comme ailleurs, avaient été brisés. Des fragments de verre cassés, de gros cailloux et des poignées de grabois gisaient sur le riche tapis. Le tapis en velours qu'il avait choisi avec tant de goût artistique et tant de soin. Il alluma les bougies et se promena dans la salle, regardant pour la dernière fois ses trésors. Oui, ses trésors. C'était lui qui avait transformé cette chambre. D'un vieux salon à lentilles orné de petits bahuts émaillés, de vieilles chaises en roseau recouvertes d'indiennes, de vases de linde fêlés et d'un tapis fané, il avait fait un salon qui n'eût pas déshonoré Buckingham Palace ou Alton Towers. C'était lui qui avait fait de cette salle ce qu'elle était. Il avait dépensé les économies de la minorité de Marie en tableaux que le plus riche collectionneur de l'Angleterre eût été fier de posséder, en porcelaine qui eût été digne d'occuper une place dans le musée de Vienne ou la collection de Berne. Il avait entassé toutes ses richesses et elles devaient échoir en partage à l'homme qu'il haïssait, au bouillant jeune soldat qu'il avait frappé de son fouet en présence de tout le Lincolnshire étonné. Il se promenait dans la chambre, songeant à sa vie depuis qu'il avait pris possession du domaine, à la manière dont il vivait auparavant et dont il faudrait qu'il vécût de nouveau, à moins qu'il n'eût le courage du désespoir et qu'il se suicidât. Son cœur battait vite et fort et il sentait un frisson lui glacer lentement le sang dans les veines pendant qu'il faisait ses réflexions. Comment se détruirait-il ? Il ne possédait pas de poison, pas de drogue mortelle qui réduirait l'agonie à la durée d'un éclair. Il y avait des pistolets fabriqués par les meilleurs ouvriers dans l'une des armoires de boules de cette chambre même. Il y avait un fusil de chasse et des munitions dans la chambre à coucher de M. Marchmont. Mais l'artiste n'était pas expert dans le maniement des armes. Il pouvait ne pas réussir en essayant de se faire sauter la cervelle et n'arriver qu'à se mutiler ou à se défigurer hideusement. Il y avait la rivière lente et noire, mais l'asphyxie par l'eau est une mort lente et le ciel seul peut savoir combien de temps dure l'agonie du malheureux qui use de ce moyen. Hélas, l'horrible vérité en tout ceci, c'est que M. Marchmont avait peur de la mort. Il avait beau regarder le roi des terreurs sous toutes ses faces, il ne pouvait découvrir aucun côté par lequel il pût aborder le sombre monarque sans fléchir. Il envisagea la possibilité de vivre, mais si la vie était moins terrible que la mort, elle n'en était pas moins désolante. Il sonda l'avenir en frissonnant pour voir quoi ? L'humiliation, la honte, le châtiment peut-être, ou bien encore la transportation à vie ? Car ce vil complot pouvait être un crime passible du code pénal, et même... En évitant l'infamie, que lui restait-il ? Que restait-il à cet homme, même en ce cas ? Pendant 40 ans, il avait eu de la pauvreté par-dessus la tête et il avait enduré la vie. Il regardait en arrière maintenant. Il s'étonnait d'avoir été patient. Il s'étonnait de n'avoir pas abrégé sa vie et sa misère 20 ans avant ce soir. Mais après un moment de réflexion, il vit l'étoile qui avait illuminé les ténèbres de cette misérable et sordide existence. Et il comprit le motif de sa résignation. Il avait espéré. Jour par jour, il avait eu à supporter les mêmes chagrins, à endurer les mêmes humiliations. Mais chaque jour, quand la vie lui paraissait pénible, il s'était dit demain, je puis être le maître de Marchmont Towers. Mais cet espoir lui faisait défaut. Il ne pouvait plus recommencer à veiller et à attendre, peut-être leurré par le faible espoir que le fils de Mary Arundel ne vivrait pas, et pour apprendre plus tard que d'autres enfants nés d'elle élargissaient de plus en plus le gouffre ouvert entre lui et la fortune. Il jetait un regard en arrière, et il voyait qu'il avait vécu de jour en jour, d'année en année, sans autre espérance que celle-là. Il contemplait l'avenir et il voyait qu'il ne pouvait vivre sans elle. Il n'y avait jamais eu que ce chemin-là qui pût le mener à la fortune. Il était habile, mais son habileté n'était pas de nature à se convertir en argent. Il ne savait que peindre des tableaux médiocres, et il avait vécu assez longtemps de la peinture pour être certain de l'insuccès dans cette carrière. Il avait supporté cette vie-là à l'époque où il peignait, mais il ne pouvait se résoudre à recommencer. Il en était sorti pour goûter d'un autre genre d'existence. Il se rendait compte de tout maintenant avec autant de netteté que s'il eût été un spectateur assis dans une loge à regarder la triste comédie qui se joue devant lui sur un théâtre. Les acteurs dans les théâtres des villes de province les plus reculées croient à la comédie qu'ils jouent. L'omnipotence de la passion crée des berceaux couverts de rosée, des atmosphères éclairées par la lune, des robes ducales et de belles femmes. Mais le spectateur de la métropole, dans l'esprit duquel le souvenir de choses plus belles est encore frais, voit que les arbres argentés par la lune sont des croûtes à la détrempe poussées par de sales machinistes, que la lune est une bouteille verte empruntée à un pharmacien, la robe ducale du velours de coton et du clinquant terne, et l'héroïne du drame vieille et laide. Paul envisageait donc la vie qu'il avait endurée, et il était étonné de voir combien elle était horrible. Il revoyait le mesquin logement, l'ameublement fané, le maigre feu qui luttait avec la fumée dans une grille creuse à moitié remplie de briques par quelque ancien locataire aussi pauvre que lui. Il revoyait cette sombre chambre avec du vilain papier au mur et des trois rideaux agités par le vent qu'ils avaient la prétention de repousser, sa mère assise au coin de la cheminée avec cette figure pâle et inquiète qui était une plainte perpétuelle contre l'absence du bien-être. Il voyait sa sœur debout à la fenêtre, vers l'heure du crépuscule, raccommodant quelques vêtements usés, en se fatiguant les yeux pour économiser un demi-pouce de chandelle. Et la rue, au-dessous de la fenêtre, la rue à prétention élégante avec une noire boutique par-ci par-là, les enfants jouant sur le seuil des portes, la clochette du marchand de muffins retentissant au milieu du brouillard du soir, et un orgue italien entonnant l'air mélancolique « Patrie, douce patrie » en face de la boutique éclairée du prêteur sur gage. Il revoyait tout cela, et c'était toujours sordide, misérable, désolant. Paul Marchmont n'était jamais tombé aussi bas que son cousin John. Il n'était jamais descendu assez bas sur la pente de l'échelle sociale pour porter une bannière à Drury Lane ou pour n'habiter qu'une seule chambre dans Oakley Street, au quartier de Lambeth. Mais il était arrivé parfois que payer le loyer de trois chambres avait été chose presque impossible à l'artiste. Et alors, il n'aurait pas dédaigné un shilling par soirée à titre d'honoraire. Il avait bu jusqu'à la lie la coupe de la pauvreté, et maintenant, la coupe était de nouveau remplie pour qu'il la vidât une seconde fois. Il fallait boire cette potion ou une autre, une drogue soporifique qui se nomme vulgairement la mort. Il fallait mourir, mais comment ? Son cœur lâche lui fit défaut en face de cette horrible alternative. Il fallait mourir, ce soir, tout de suite, dans cette maison, afin que lorsqu'on viendrait le lendemain pour l'enchasser, on eût d'autres peines que celle d'emporter un cadavre. Il se promena dans le salon, se rongeant les ongles jusqu'au vif, mais n'adoptant aucune résolution jusqu'au moment où il fut interrompu par un coup de sonnette à la porte du couloir. C'était sans doute le messager de sa sœur. Paul tira sa montre de la poche de son gilet, défit la chaîne, enleva les épingles montées qu'il portait à sa chemise et un anneau qu'il avait au doigt. Puis il s'assit à une table à écrire et mit la montre, la chaîne, les épingles, l'anneau et un paquet de clés dans une grande enveloppe. Il la cacheta et l'adressa à sa sœur. Ensuite il prit une bougie et fut à la porte du couloir. Mrs. Weston avait envoyé un jeune homme qui était à la fois l'aide et l'élève de son mari, un jeune homme d'un bon cœur, qui lui rendit volontiers service alors qu'elle était malheureuse. Paul donna à ce jeune homme la clé de son nécessaire et le paquet. « Vous ne manquerez pas de remettre ceci à ma sœur elle-même, » dit-il. « Oui, monsieur. Mrs. Weston m'a donné cette lettre pour vous. Dois-je attendre une réponse ?»« Non, il n'y a pas de réponse. Bonne nuit. »« Bonne nuit, monsieur. » Le jeune homme s'éloigna, et Paul Marchmont l'entendit siffler un air populaire, tandis qu'il cheminait sous la colonnade du cloître et sortait du quadrangle par un portail bas qui servait communément d'entrée aux fournisseurs des Towers. L'artiste écouta le bruit de plus en plus faible des pas du jeune homme, puis avec un horrible tressaillement d'angoisse, il se souvint que c'était pour la dernière fois qu'il venait de voir son semblable et d'entendre une voix humaine, car il devait se tuer dans la nuit. Il se tint debout dans le sombre couloir et regarda dans le quadrangle. Il était tout seul dans la maison, car la jeune fille qui lui avait ouvert était à la buanderie avec sa mère. Il pouvait voir les silhouettes des deux femmes qui circulaient dans une grande chambre éclairée au gaz de l'autre côté du quadrangle. Ce bâtiment ne communiquait pas avec le reste de la maison. Il devait mourir cette nuit, et il n'avait pas même encore décidé comment il mourrait. Il ouvrit machinalement la lettre de Mrs. Weston. Elle ne contenait que quelques lignes, annonçant que Peterson était arrivé avec le nécessaire et qu'il y aurait une chambre confortable préparée pour M. Marchmont. « Je suis bien contente que vous ayez changé d'idée et que vous veniez vers moi, Paul, » conclut Mrs. Weston. « Vos manières, quand nous nous sommes séparés ce soir, m'avaient presque alarmé. » Paul poussa un profond soupir en froissant cette lettre dans sa main. Puis il retourna au salon occidental. Il entendit des bruits étranges dans les chambres vides en passant devant les portes ouvertes, des craquements prolongés et de mélancoliques gémissements dans les vastes cheminées. Il semblait que tous les fantômes de Marchmont Towers fussent sortis de leur tombe ce soir avec le terrible pressentiment de quelque horreur prochaine. Paul Marchmont était athée, mais l'athéisme, bien qu'il soit un sujet agréable pour une discussion critique après un bon souper, où le champagne a coulé à flot, n'est qu'un pauvre bâton bien inutile aux voyageurs fatigués qui approchent des portes mystérieuses du monde inconnu. L'artiste s'était vanté de ne croire à rien. Il avait déclaré qu'il se contenterait très bien d'un arrangement matérialiste ou panthéiste de l'univers, et que peu lui importait de revivre plus tard sous forme de chou ou dans la personne d'un nouveau Raphaël, pourvu que la matière dont il était composé fût utilisée de façon ou d'autre et servît à quelque chose dans le grand but de l'univers scientifique. Mais avec quelle facilité cette croyance au néant disparut quand il se trouva seul dans cette maison déserte et qu'il frissonna en entendant ces bruits étranges et fut assiégé par une foule de craintes mystiques, de terreurs gigantesques sans forme qui envahirent son esprit partisan du néant et le remplirent de leur hideuse présence. Il avait refusé de croire en Dieu. Il avait ri de cette idée qu'il existait une divinité quelconque à laquelle l'homme peut s'adresser dans sa douleur, avec l'espoir de quelque miséricorde particulière, de quelque grâce spéciale. Il avait rejeté la simple croyance du chrétien, et maintenant qu'il avait flotté loin du rivage de la vie, et qu'il se sentait entraîné par un courant irrésistible vers cet autre bord mystérieux, à quoi ne croyait-il pas ? Chacune des superstitions qui ont jamais troublé l'âme de l'homme ignorant prêta quelques-uns de ses traits affreux à la foule imagineuse qui surgissait dans l'esprit de cet homme. Les dieux chaldéens, les déesses carthaginoises, altérées du sang chaud des sacrifices humains, avides d'hécatombes d'enfants jetés vivants dans des fournaises ardentes ou déchirés par des bêtes fauves, les abominations babyloniennes, l'Isis et l'Osiris d'Égypte, les divinités classiques avec des glaives flamboyants et de pâles figures immuables, rigides comme le destin qu'elles représentaient, les horribles démons et sorciers de l'Allemagne, tous les vengeurs que l'homme, avec son instinct de méchanceté, a jamais fait sortir des profondeurs de son esprit ignorant pour s'effrayer lui-même, grossir cette foule terrible jusqu'à ce que le cerveau de l'artiste faiblît et qu'il fût forcé de s'asseoir la tête entre les mains, essayant par grand effort de volonté d'exorciser ses hideux fantômes. « Il faut que je devienne fou, » se dit-il tout bas, « je deviens fou. » Mais la grande question restait toujours sans réponse. Comment se tuerait-il ? « Il faut que je me décide, » songea-t-il, « je n'ose pas penser à ce qui arrivera après. » Et puis, que peut-il arriver? Je sais qu'après la mort, tout est fini. Des hommes plus habiles que moi ne l'ont-ils pas démontré en ma présence? N'ai-je pas étudié chaque côté de la question, pesé chaque argument, toujours avec le même résultat? Oui, je sais qu'il n'y a rien après une courte angoisse. C'est comme lorsqu'une dent vous fait mal. Aussitôt qu'elle est enlevée, la douleur nerveuse cesse. Le nerf est l'âme de la dent, je suppose. Mais enlever le corps et l'âme est morte. Pourquoi aurais-je peur? Une douleur d'un instant. Elle semblera longue, je présume. Puis je serai à tout jamais immobile. Et je rentrerai dans la poussière d'où je suis sorti. Oui, je serai immobile et dans le néant. Paul Marchman songea à tout ceci pendant longtemps. Était-ce donc un si grand avantage, après tout, que cette annihilation, le souverain bien de la croyance stérile de l'athée? Il semblait ce soir à cet homme qu'il eût mieux valu être n'importe quoi, souffrir n'importe quelle angoisse, expier ses péchés n'importe de quelle manière que d'être à tout jamais privé de figurer activement dans le grand concert harmonique de l'univers. S'il avait pu partager la croyance du catholique romain en son purgatoire, et croire qu'après de longs siècles de souffrance, il se relèverait enfin purifié de ses péchés et digne d'être admis parmi les anges, comme il aurait vu la mort d'un œil différent. Il aurait pu aller se cacher dans quelques villes de l'étranger, accomplir chaque jour des sacrifices de patience, d'humbles actes d'abnégation, et espérer que chacune de ses bonnes actions plaiderait peu ou beaucoup en sa faveur au grand jour du règlement des comptes. Mais il ne pouvait croire au purgatoire. Il y a un proverbe vulgaire qui dit « Vous ne pouvez avoir votre pain et le manger », ce qui signifierait, si les proverbes voulaient seulement être clairs, « Vous ne pouvez manger deux fois le même morceau de pain ». Vous ne pouvez non plus vous permettre des discussions rationnelles ou des plaisanteries épigrammatiques sur le grand créateur qui vous a fait. Puis vous tournez vers lui pour lui dire à l'heure terrible du désespoir « Oh mon Dieu, que j'ai insulté et offensé ! Venez en aide au misérable qui, pendant 20 ans, s'est entêté à vous fermer son cœur. » Il se pourrait que Dieu pardonnât et entendît la prière même en ce moment suprême, comme il le fit pour le voleur qui se repentit sur la croix. Mais le voleur pénitent avait été un pécheur et non un athée, et il pouvait prier. Le cœur endurci de l'athée se glace dans sa poitrine quand il voudrait se repentir et éloigner de lui ses iniquités. Lorsqu'il voudrait se tourner vers son maître offensé, les mots qu'il essaye de prononcer expirent sur ses lèvres, car l'habitude du blasphème est trop forte en lui. Il peut railler les puissants mystères du ciel et de l'enfer, mais il ne peut prier. Paul Marchmont ne pouvait formuler une prière. D'horribles plaisanteries se dressaient entre lui et les mots qu'il aurait prononcés, de hideux bons mots qui avaient paru si brillants à la table d'un dîner bien éclairé, où ils avaient eu, pour joyeux accompagnement, le bruit des bouchons de champagne et les éclats de rire. Ah, le monde était derrière cet homme avec tous ses plaisirs. En le regardant, il pensait que même lorsqu'il était le plus gai, le plus brillant, c'était seulement une grande foire bruyante avec des torches éclatantes et d'étourdissants battleurs débitant éternellement leur boniment à la foule empressée. Comment mourrait-il? Monterait-il dans sa chambre et se couperait-il la gorge? Il se plaça devant l'un de ses tableaux, un tableau favori représentant une figure de jeune fille par millet, qui regarde à travers le clair de lune et est fantastiquement belle. Il se tint devant ce tableau, et il ressentit une petite douleur en dehors de sa grande souffrance à l'idée qu'Edward et Mary Arundel étaient maintenant possesseurs de cet objet précieux. « Ils ne l'auront pas, murmura-t-il, ils n'auront pas ceci en tout cas. » Il tira un canif de sa poche et fendit la toile avec rage, jusqu'à ce qu'elle fût en lambeaux dans son cadre doré. Ensuite, il se sourit à lui-même pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette maison et ses yeux brillèrent d'un éclat soudain. « J'ai vécu comme Sardanapal pendant l'année dernière, s'écria-t-il tout joyeux, et je mourrai comme Sardanapal. » Il y avait un petit meuble fragile près de lui, une étagère en marqueterie chargée de coûteuses futilités, des porcelaines d'Orient, de Sèvres, de Dresde, de vieilles coupes de Chelsea et du Derby, de bizarres théières, des terres cuites de Palissy avec des dessins, des monstruosités indiennes et toute espèce d'absurdité d'un prix fabuleux, y étaient entassées dans une confusion artistique. Paul Marchman frappa du pied le léger support de l'étagère et rit aux éclats en voyant ses brimborions fragiles se casser sur le tapis. Il foula aux pieds la porcelaine brisée et les fragiles coupes craquèrent comme des coquilles d'œufs sous ses bottes. « Je mourrai comme Sardanapale » s'écria-t-il. « Le roi Arbacès n'habitera jamais le palais que j'ai embelli. Qu'on apporte ici des fagots, des noix de pin, des feuilles sèches et tous ces objets qui prennent feu avec une seule étincelle. Qu'on apporte du cèdre aussi, des drogues précieuses, des épices et de grosses planches pour faire un grand bûcher. Qu'on apporte encore de l'encens et de la myrrhe, car c'est pour un grand sacrifice que la flamme va s'élever. Je n'estime pas beaucoup vos vers blancs, George Noel Gordon Byron. Ils finissent par des syllabes boiteuses, et la dernière syllabe du vers blanc ne sonne pas vigoureusement comme vos rimes. Je me demande si Marchmont Towers est assuré. Oui, je me souviens d'avoir payé la prime à Noël dernier. C'est égal. Ils auront maille à partir avec la compagnie d'assurance. Oui, je mourrai comme Sardanapale, non pas comme lui, car je n'ai pas de Mira pour monter sur le bûcher avec moi et me serrer dans ses bras jusqu'au dernier moment. Bois, une Mira moderne laisserait Sardanapale mourir tout seul et se sauverait auprès du nouveau roi. Paul prit la bougie et fut dans le vestibule. Ses yeux gris avaient un reflet étrange. Et ses manières, cette animation fiévreuse que les Français appellent exaltation. Il monta en courant l'escalier qui menait au long corridor sur lequel s'ouvraient ses appartements et ceux de sa mère et de sa sœur. Comme ils étaient jolis, ces appartements. Comme il les avait rendus élégants, dépensant, sans compter, et en prenant un plaisir d'artiste à les embellir. Il n'y avait pas de volets, et la brise d'été soufflait à travers les vitres brisées et agitait les légers rideaux de mousseline, les gais draperies d'indienne perse et les franges aériennes de soie et de dentelle. Paul Marchmont courut de chambre en chambre, sa bougie à la main. Et partout, il y avait des rideaux et des draperies aux fenêtres, aux lits, aux tables de toilette, aux chauffeuses et aux coquets petits sofas. Il mit le feu. Il fit tout cela avec une merveilleuse rapidité, laissant les flammes derrière lui en traversant le long corridor et revenant ainsi à l'escalier. Il redescendit et rentra dans le salon occidental. Là, il souffla sa bougie, éteignit le gaz et attendit. En combien de temps l'incendie sera-t-il à son apogée ? Se dit-il. Les volets étaient fermés, et le salon était tout à fait noir. Aurais-je jamais le courage d'attendre les flammes ? Pensa Paul Marchmont. Il se dirigea à tâtons vers la porte, la ferma à double tour et ôta la clé de la serrure. Il s'approcha de l'une des fenêtres, monta sur une chaise et jeta la clé par l'ouverture d'un carreau cassé. Il l'entendit retentir sur la terrasse en pierre, puis rebondir, Dieu seul savait où. « Je ne pourrais du moins pas sortir par la porte, » pensa-t-il. Il faisait tout à fait noir dans le salon, mais au dehors, il faisait clair comme en plein jour. M. Marchmont s'éloigna de la fenêtre en s'aidant des mains pour trouver un chemin au milieu des chaises et des tables. Il put voir la lueur rouge entre les fentes des volets et un coin du ciel rougi par cette fenêtre, dont le haut avait été laissé ouvert. Il s'assit quelque part dans le milieu du salon et il attendit. La fumée m'étouffera, se dit-il. Je ne verrai rien du feu. Il demeura tout à fait immobile. Il avait tremblé violemment, tandis qu'il courait de chambre en chambre pour accomplir son œuvre horrible. Mais ses nerfs s'étaient raffermis maintenant. Raffermis. Plus encore, il était changé en pierre. Son cœur semblait avoir cessé de battre. Et ce n'était qu'à son angoisse, à une douleur sourde, il comprenait qu'il existait toujours. Il restait assis, attendant et songeant. En ce moment, toute la longue histoire du passé se déroula devant lui, et il vit quel misérable il avait été. Je ne sais pas si ce fut là sa pénitence, mais en regardant cette histoire accomplie, Paul Marchmont pensa que son rôle dans la comédie avait été une erreur, et que c'est une sotte chose que d'être un coquin. Lorsqu'une foule de gens effrayés et des pompes à incendie détraquées traînées par des hommes et des enfants arrivèrent en courant jusqu'aux Towers, ils trouvèrent un bâtiment en flammes qui ressemblait à un château enchanté. Les grandes fenêtres avec encadrement en pierre vomissaient la flamme. Le plomb fondu comme de l'eau changée en feu tombait en cataracte sur la terrasse et tout le ciel était éclairé par les lueurs rougeâtres. Les salamandres seuls, ou la troupe choisie du pauvre M. Braidwood, aurait pu approcher de Marchmont Tower cette nuit-là. Les pompiers de Kimberling et ceux de Swampington qui accoururent par la suite n'étaient ni des salamandres ni des Braidwood. Ils se tinrent à l'écart, lancèrent de l'eau sur les flammes et reculèrent épouvantés quand le toit s'effondra en roulant comme une avalanche de bois enflammé. ne laissant qu'un lugubre squelette de pierre rouge et chaude là où s'était dressé jadis Marchmont Towers. Lorsqu'on put s'aventurer en toute sûreté parmi les ruines, et bien des heures s'écoulèrent avant que l'incendie fût éteint, on chercha Paul Marchmont, mais au milieu de ce vaste chaos de cendres entassées, on ne trouva rien qui ressemblât à un être humain. Personne ne savait où avait été l'artiste au moment du feu. Par le fait du hasard, on ignorait s'il s'était trouvé dans la maison, et l'opinion populaire fut que Paul avait mis le feu aux Towers et s'était sauvé avant que les flammes eussent commencé leur ravage. Mais Lavinia Weston était mieux informée que cela. Elle savait maintenant pourquoi son frère lui avait envoyé tous les objets de valeur qu'il possédait. Elle comprenait maintenant pourquoi il était revenu à elle, lui dire bonsoir pour la seconde fois, et appuyer ses lèvres froides sur les siennes.